possession, y'a plus rien qui nous appartient. Répression, possession, on est niqué à chaque matin. Justice, police, y'a plus de ciment qui s'exige. Justice.